Section 6 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Johan. Chapitre 6. Monsieur de La Hérodière n'était point un homme de résolution. Son caractère ne l'avait jamais poussé aux actions énergiques. Son esprit, habitué à considérer les questions sous toutes leurs faces, s'était toujours complu dans les ménagements et les compromis. Enfin, 20 années passées sous la domination de sa femme lui avaient fait perdre à peu près complètement l'usage de la volonté pour tout ce qui n'était pas science et travail. Aussi avait-il eu toutes les peines du monde à se décider à une explication catégorique avec sa fille. De Paris à Vannes, il avait agité cette question, la tournant dans tous les sens, pesant le pour et le contre. Que son neveu fût ou ne fût pas digne d'être le mari de Charlotte, il n'avait plus maintenant le moindre doute à ce sujet. La femme que Georges épouserait serait infailliblement malheureuse. Là-dessus, sa conviction était arrêtée. Avec un ambitieux tel que Georges, capable de tout sacrifier, et lui-même et les siens, pour atteindre le but qu'il poursuivait, une vie heureuse était impossible. D'un autre côté, il était bien certain aussi qu'une honnête femme mariée à un homme sans scrupules, qui n'agissait que pour tirer des choses un profit immédiat ou tout au moins réalisable dans un temps déterminé, il était bien certain que cette femme aurait cruellement à souffrir dans son amour si elle aimait son mari, et en tout cas l'amour ayant succombé dans sa dignité et dans sa conscience. Il ne fallait donc pas que Georges devînt le mari de Charlotte. Mais s'il était parfaitement fixé sur ce point et déterminé dès lors à s'opposer à ce mariage, il ne l'était nullement sur les moyens à employer pour empêcher qu'il se fît. Devait-il s'adresser franchement à son neveu et lui signifier qu'après les années d'épreuves qu'il avait exigées, il était éclairé et ne l'acceptait pas pour gendre? C'était là, sans aucun doute, la marche la plus simple et la plus correcte. Devant cette volonté nettement formulée, Georges n'aurait qu'à obéir. Mais Charlotte! Que Georges se plaignît, qu'il parlât de son amour, de ses espérances brisées. Monsieur de La Hérodière était parfaitement sûr à l'avance de ne pas se laisser émouvoir, au point de revenir sur sa détermination. Mais si c'était Charlotte elle-même qui se plaignait, si c'était elle qui parlait de son amour? Dans ce cas, monsieur de La Hérodière était sûr à l'avance aussi qu'il n'écouterait pas la voix de sa fille avec la même fermeté que celle de son neveu. Que Charlotte vint à lui, les larmes dans les yeux, qu'elle lui jeta les bras au cou, qu'elle pleura contre sa poitrine, il était bien certain encore que, si affermi qu'il fût dans sa volonté, si convaincu qu'il pût être de la justice de son refus, il se laisserait toucher, et volonté aussi bien que refus ne tiendrait pas contre ses larmes. Il se connaissait, et par expérience, il savait combien il était faible devant le regard de son enfant. Charlotte aimait-elle son cousin et espérait-elle devenir sa femme? Là était désormais toute la question. Sans doute elle était assez facile à résoudre. Pour cela, il n'y avait qu'à l'adresser à Charlotte elle-même et à l'interroger. Monsieur de La Hérodière avait assez foi dans sa fille pour être convaincu qu'elle répondrait avec sincérité. Pourquoi cacherait-elle cet amour, d'ailleurs? N'était-il pas tout naturel qu'elle aimât son cousin? Ils avaient été élevés ensemble, et jusqu'à un certain point, elle avait pu croire que c'était le mari qu'on lui destinait. Si par prudence, il n'avait jamais autorisé la plus légère allusion à ce projet, madame de La Hérodière n'avait peut-être eu la même réserve, et dans son désir de le préparer, dans son espérance de le voir réussir, elle en avait entretenu sa fille, qui dès lors avait pu considérer Georges comme son mari. Qu'à son interruption directe, Charlotte répondit dans ce sens, que ferait-il et que dirait-il? Il aurait imprudemment ouvert une porte, qu'il serait trop faible pour refermer. Autorisée à parler de son amour, Charlotte abuserait de cette autorisation. Et pour se défendre, il aurait comme seule ressource de dire que Georges n'était pas digne d'elle. Quelle influence cette accusation aurait-elle sur le cœur de Charlotte? Les sentiments des jeunes filles ne se déterminent point par les mêmes raisons que ceux des pères de famille. Il ne fallait donc pas qu'il permît à Charlotte d'avouer qu'elle aimait son cousin. Et cependant, il fallait qu'il s'expliquât catégoriquement avec elle sur le compte de Georges, et lui fit savoir comment il jugeait celui-ci. En agissant ainsi, il empêchait sa fille de parler de Georges, c'est-à-dire de le défendre, tandis qu'il s'assurait la possibilité d'en parler lui-même, c'est-à-dire de l'attaquer. Arrivé là dans son raisonnement, Il s'arrêta, et un sourire de satisfaction épanouit son visage. Il était assez content de lui, et il lui semblait que pour un bonhomme de savant peu habile dans les choses de sentiment, tout cela n'était pas trop mal combiné. Il le fut bien davantage encore après son entretien avec Charlotte. Il avait empêché celle-ci de parler de Georges, et lui-même avait pu dire à peu près tout ce qu'il avait sur le cœur. Maintenant, il n'y avait plus qu'à laisser faire le temps. Charlotte réfléchirait à ce qu'elle avait appris, et dans son esprit préparé, les semences qui avaient été jetées germeraient. Le point de vue d'où elle avait jusqu'à ce jour regardé son cousin était changé, et maintenant il était probable qu'elle ne verrait plus Georges avec les mêmes yeux. En tout cas, et quoi qu'il arrivât, il avait désormais plusieurs mois devant lui. On était en février, Georges ne viendrait qu'en août, et c'était une période de tranquillité pendant laquelle il verrait surgir les événements et pourrait même jusqu'à un certain point les préparer. Ah, qu'un père qui aime sa fille et qui, par suite d'une trop grande tendresse, a peu à peu perdu le droit de dire « je veux », rencontre de difficultés pour obtenir ce qu'il croit sage et juste. Cependant, ses espérances de tranquillité, sur lesquelles il croyait pouvoir compter, ne se réalisèrent pas. Au lieu d'avoir devant lui plusieurs mois, comme il l'avait cru, il eut à peine quelques jours. Ce qui avait hâté son retour à Ruiz, ça avait été une invitation au bal de la préfecture de Vannes. Bien entendu, il était peu sensible à ce genre de plaisir, et les fêtes, les dîners ou les soirées n'étaient pas pour lui plaire. Mais il ne voulait pas que sa fille vécût tout à fait en sauvage, et tous les ans, il s'imposait le devoir de la conduire aux deux grands bals du préfet. Pour ces bals, il lui offrait chaque fois une toilette nouvelle, et afin que la fête fût complète, il tenait à arriver avec les premiers invités et à partir avec les derniers. C'était sa façon de lui payer les 12 mois qui lui faisaient passer dans la solitude à la crique. « Amusons-nous bien, disait-il, et faisons comme les paysans qui se donnent une indigestion quand ils dînent en ville. » À vrai dire, il ne s'amusait guère, et les heures lui paraissaient longues à voir les danseurs tourbillonner devant lui ou à regarder les joueurs, mais au moins il jouissait de la joie de sa fille. Volontiers, il eût félicité de leur bon goût les jeunes gens qui venaient la prier à danser, et plus d'une fois il lui arrivait de répondre pour elle par un remerciement empressé, car il ne permettait pas qu'elle restât sur une banquette plus qu'il n'était nécessaire pour se reposer. « Amusons-nous, amusons-nous !» À ce bal, où ils se rendirent 2 jours après son retour de Paris, le premier danseur qui vint inviter Charlotte fut précisément l'officier de marine qui l'avant-veille avait retenu ses chevaux. Si elle avait osé, elle aurait refusé cette invitation, et son premier mouvement, lorsqu'il lui tendit la main, fut de reculer d'un pas. Mais sous quel prétexte refuser, et quel reproche avait-elle à adresser à cet officier qui, en réalité, lui avait rendu service? Elle accepta donc, et pendant la soirée, elle dansa même plusieurs fois avec lui. Autant son regard avait été hardi dans la cour de la gare, autant maintenant il était doux et respectueux. Quelques jours après ce bal, M. de la Hérodière, qui n'avait avec le préfet que des relations de politesse, fut surpris de voir celui-ci arriver à la crique. « J'ai tant entendu parler de votre admirable jardin, dit le préfet, et des merveilles que vous réalisez, que j'ai voulu les visiter. » Mais après cette visite qui fut complète et longue, le préfet s'expliqua plus franchement. En réalité, il venait demander à M. de la Hérodière si celui-ci voudrait accorder la main de sa fille à un lieutenant de vaisseau, âgé de 29 ans, plein d'avenir, possesseur d'un nom honorable, Adrien de Rosnoblet, riche pour le moment d'une belle fortune et qui était amoureux fou de Mademoiselle Charlotte. « Mais nous ne connaissons pas de lieutenant de vaisseau, » répondit M. de la Hérodière. « Vous vous trompez, vous en connaissez un. Au moins Mademoiselle Charlotte en connaît un, qui a eu le plaisir de lui rendre un petit service en arrêtant ses chevaux et qui a dansé avec elle à ma soirée. Mais on ne peut pas épouser une jeune fille pour cela, il me semble. Permettez-moi de vous répondre que si ni vous ni moi ne sommes d'âge maintenant à savoir pourquoi on devient amoureux, ce qu'il y a de certain, c'est que M. de Rosnoblet adore Mademoiselle votre fille, et que je suis chargé de vous demander si vous consentiriez à la lui donner un jour pour femme. Bien entendu, ce n'est pas votre consentement à ce mariage que je viens ainsi vous demander brutalement. Je désire vous mettre en relation avec M. de Rosnoblet, et pour cela, je viens vous prier à dîner à la préfecture pour demain. Vous le verrez, vous ferez sa connaissance, et plus tard vous déciderez. » M. de la Hérodière, que le préfet laissa abasourdi, était disposé à considérer cet incident comme purement romanesque. Cependant, cette invitation exigeant une réponse, il dut en parler à Charlotte. Mais au premier mot, celle-ci l'arrêta. « L'année dernière, dit-elle, tu m'as proposé un mariage qui paraissait beaucoup plus sérieux que celui-là. » Plus sérieux peut-être, mais non plus avantageux. Monsieur de Rosnoblet a tout pour lui. Position, nom, fortune, et je sais que sa famille est des plus honorables. Sous tous ces rapports, ce mariage serait digne de toi. Que t'ai-je répondu l'année dernière? Que tu ne voulais pas te marier. Eh bien, maintenant et après l'entretien que nous avons eu à ton retour de Paris, je serai plus franche. Je te répondrai que je ne peux pas me marier. Et pourquoi donc ne peux-tu pas? Parce que nous sommes engagés envers Georges. Nullement engagé. J'ai voulu attendre un certain temps avant de te donner en mariage, mais je n'ai pas pris l'engagement de te donner ce temps écoulé. Ce temps est-il écoulé? Non. Eh bien alors, il me semble que nous sommes engagés au moins à attendre. Mais, mon enfant, monsieur de la Hérodière s'arrêta. C'est bien, dit-il. Nous attendrons. Mais souviens-toi que je n'accepterai Georges que s'il est digne de toi. Puis, de peur d'engager une discussion qui pouvait l'entraîner plus loin qu'il ne voulait, il entra dans son cabinet pour écrire au préfet. Fin de la section 6.